14, 11, activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage une fois seulement. 1. Tu veux un bonbon ? Non, merci. Tu as tort, ils sont très bons. 2. Bon, je vais me coucher. Tu as raison. Bonsoir, ma puce.